1, 2, 4! Moi, je suis heureux d'être malheureux quand j'essaye de pas jouer son jeu. Elle me dévore, elle m'engloutit, je prends une petite troupe et je crie merci. Merci à toi, puis à tout le monde, merci de pas rentrer dans le monde. Je vous remercie, ma gang d'hostie, de combattre un petit peu la vie. Faire un dressant au boss, Carlis.